sais même plus quel jour on est. J'en fumais toute la journée. J'ai nié, j'ai pas avoué. Et mes sons font que tourner. Un peu Jack Miel au genou né. Dans la voiture cagoulée. Ah ah, y'a les poulets. J'me noie et j'ai pas de bouée. Tu vas finir le corps troué. J'ai qu'un but, j'ai qu'un souhait. Même si t'es sous mon soulier. Et les chemises sur ton palier. Fallait nier. Trop d'ennemis, peu d'alliés. Le game, j'l'ai balayé. J'peux mourir comme Malia. Avoue-le, tu peux pas le nier. On prend du Bessia. Arrive au clip en calancié. Trop de folles, trop de billets. J'en ai plus rien à cirer. C'est l'ami de mon ennemi. Et les pompiers veulent me cirer. Et les pompiers veulent me cirer. J'ai le cœur déchiré. Touché l'iceberg, j'ai pas chaviré. S'il faut dans le passé, j'irai. S'il faut dans le passé, j'irai. J'm'en parle avec mon ex, j'ai les giros. Et mes potes, ils sont givrés. Prennent la fuite quand y'a les giros. Tu m'as trahi du point, merci. Tu vas me lécher quand j'serai emmercé. Quand une balle va te traverser. Ben dis non, merci. Levez-vous, on va vous quiller. On n'est pas des minots. Tu fais la pute. Faut pas trahir Toto comme Skiro. J'fume un jeu, j'suis quillé. Avec un peu de sirop. Je rêve, je veux des billets. J'vais mettre la Lulu comme Pirlo. T'as vu comment j'suis habillé. J'fais mes clips, j'suis pas maquillé. T'as vu comment j'suis grillé. Toujours la même main au micro. Il a mis le nez dans la machine. Ça y est, il me fait la machine. Moi gros, y'a personne qui m'achète. Ils veulent m'avoir avec un peu de magie. Brûler les feux comme dans GTA. J'savais même plus j'étais où. En bruit, ouais, t'étais là. Hey, mais tu me dégoûtes. On veut tous le Panamera. Avec l'air, on s'en ira. Moi gros, j'suis juste un rappeur. J'fais pas de miracle. Dans ce monde, y'a que des acteurs. Fais mon malheur. J'reviens tout à l'heure. J'ai gamberge là. À chanter, ouais, ils sont beaucoup. On reviendra fort comme Son Goku. Ouais, l'ami, j'suis comme un autre. J'te parle et j'veux te mettre mon cou. Trahis pas la bête qui t'a nourri. Toi, tu manges dans celle qui t'a pourri. Vas-y, tu peux m'équiller. De toute façon, j'suis assuré tout risque. Ainsi que survêt de l'OM. J'ai toujours mes problèmes. J'ai toujours mes problèmes. J'vais pas t'écrire un poème. Tu fais trop le Tony, toi. Tu vas te faire buter par Dosa. Que ils chantent tous ces comiques. J'suis pas eux, moi j'mouille le dosard.